tu m'entends ? Un, deux. Tu m'entends ? Allô ? Allô, je t'entends ? Moi, j'écoute. Tu testes ? Allô, je t'entends ? Bah, moi aussi. Moi aussi. Non, bah, ouais, c'était pour tester le logiciel. J'ai même pas de musique, en fait. Enfin, j'ai pas d'instrument. Bah, moi aussi. Bah, voilà. Moi aussi. Non, bah, ouais, c'était pour tester le logiciel. J'ai même pas de musique, en fait. Enfin, j'ai pas d'instrument. Attends, il y a combien de décalage, là ? Bah, il y a un peu de retard. Tard, on dirait. Il y a un peu de latence là. Je teste pour la première fois, donc je sais pas du tout. Quatre mesures, non ? C'est bizarre. Je teste pour la première fois, donc je sais pas. Moi, je me. Moi, c'est pareil. Ah ouais, parce que je me réécoute deux fois, moi, en fait. Oui, parce que je me réécoute deux fois, moi, en fait. Ah, moi, il me rejoue pas ce que je dis, en fait. T'as un numéro de mesure marqué, toi, ou à gauche, non ? Ah, et moi, je le réentends, alors c'est pas normal. Ah, ça devrait aller mieux. Voilà. En fait, il faut baisser le retour wave. Ça devrait aller mieux. Voilà. En fait, il faut baisser le retour wave. Ah, ouais. Attends. Allô ? Ah, ouais. Bah, c'est, sinon, voilà, ça et fait un écho, là, j'ai pas de retour. Je me rends ouais, j'écoute. En fait. Exact. Il y a pas mal d'écart. Ouais, non, de voir, c'est de dur de le décalage, en fait. De jouer en même temps, je pense. Il y a pas mal d'écart. C'est dur de jouer en même temps, je pense. Là, je vais aller tenter. Est-ce qu'on peut y remédier ? C'est même marqué sur le site que c'est fait pour marcher avec genre deux mesures de retard ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est un cycle. J'ai lu ça. De quatre mesures en fait. J'ai lu ça.